à 9700 mètres par Maurice Level. Le 1er juin, à 9h du matin, notre ballon sphérique, le Centaure, jaugeant 1600 mètres cubes, bien gonflé, vérifié avec soin, prêt à partir, tirait doucement sur ses cordes. Une brise d'est, très légère, faisait à peine tressaillir les feuilles d'arbres. Le soleil, lent à venir, crevait par instants les nuages laiteux qui passaient dans le ciel. Une dernière fois, nous fîmes le rapide inventaire de ce que nous emportions. Rien ne manquait. Instruments, couvertures, provisions de bouche. Nous n'avions rien oublié, même pas la traditionnelle bouteille de champagne que nous devions saber dans les airs en l'honneur de mon compagnon de voyage. Il allait, en effet, accomplir avec moi sa première ascension, et bien qu'un peu nerveux, demeurait gai, plein d'entrain, résolu. De temps en temps, je le regardais du coin de l'œil, essayant de lire sur son visage ses émotions fugitives. Lui, souriant, me disait « Soyez sans crainte, je me tiendrai très bien, vous verrez. » Enfin la demi sonna. C'était l'heure fixée pour le départ. « Nous y sommes ?» demanda mon ami. « Nous y sommes, » répondis-je. « Encore une fois, sans forfanterie ni fausse honte, êtes-vous bien décidé ?»« Mais oui, oui, » fit-il avec une sorte d'irritation. Je baissai la voix pour que nul n'entendît mes paroles et qu'il ne pût se froisser de passer devant les curieux pour un novice ou un timide. « Vous n'ignorez pas que nous essaierons d'atteindre les grandes hauteurs. Ceci ne sera pas une ascension promenade, mais une ascension d'expérience. J'agirai avec toute la prudence nécessaire. Il se peut cependant que vous vous sentiez incommodé à un moment donné. Vous m'avez assuré que vous aviez le cœur parfaitement sain, les poumons solides, et je vous l'affirme encore. Tout est donc bien. Ah, j'oubliais. Vous n'avez dans vos poches ni allumettes ni briquet. Regardez, rien. Alors, en route. » Nous enjambâmes la nacelle. Mon ami agita son chapeau en disant « Au revoir, au revoir !» Moi, je commandais la manœuvre, et lorsque tout fut prêt, j'ordonnais « Lâchez tout !» Le ballon libre piqua droit dans le ciel. Un instant, nous pûmes entendre les cris, les exclamations de la foule. Mon ami, penché sur la nacelle, jetait encore des « Au revoir, à bientôt !» en faisant de grands gestes de bras. Les bruits devinrent plus faibles, les cris indistincts, les exclamations se firent murmures. Nous montions. Une rumeur lointaine gronda sous mes pieds, s'apaisa, se tut. Puis plus rien que le grand, l'admirable silence, et la fuite insensible vers un horizon infini, dans un ciel calme, limpide et doux, parmi l'immensité fraîche et parfumée, où les oiseaux eux-mêmes n'osent baigner leurs ailes. Je frappai sur l'épaule de mon ami. Il se tenait le long du bord, les yeux obstinément fixés sur cette terre que nous quittions, pris à la magie du décor étrange qui semblait s'être immobilisé devant lui. « Eh bien, qu'est-ce que vous dites de ça ?» Il se tourna vers moi et, me regardant avec des yeux éblouis, murmura « C'est prodigieux, extraordinaire. Je vous devrai la sensation la plus forte de ma vie. Ce n'est encore qu'un début. Attendez, patience. Oh, je ne verrai rien de plus beau. C'est impossible. Mais si... « Vous vous sentez bien à votre aise ?»« Je n'ai jamais éprouvé à un pareil degré la joie de vivre. Ma vigueur musculaire et mon équilibre physique. Je respire, j'hume l'air avec une joie de gourmand. Je le mâche comme un affamé et je regarde. » Les villes n'étaient plus que des taches. Les rues, les places, les parcs et les rivières semblaient autant de lignes droites, de surfaces géométriques. Une symétrie merveilleuse régissait toutes choses. Nous naviguions au-dessus d'une carte d'état-major vivante et gigantesque. De temps en temps, dans le ciel calme, bien loin sous la nacelle, nous voyions passer une flèche rapide et brillante. Un oiseau dont le vol n'osait atteindre notre fuite. Et nous allions toujours, et toujours cependant, nous pouvions nous croire immobiles dans l'atmosphère immobile. Cette atmosphère des grandes hauteurs, où les courants aériens ne passent plus et que le vent n'agite jamais. Mon ami maintenant s'intéressait à la marche du ballon. Il me dit « Montons-nous en ce moment ?»« Oui. » »« Regardez flotter vertical les flammes accrochées au filet. Nous montons. » »« À quelle hauteur sommes-nous ?» Je consultai le baromètre et répondis « 2800 mètres. » Il répéta ma phrase à mi-voix, comme se parlant à lui-même, et ajouta avec une petite angoisse et aussi quelque fierté « 2800 mètres. » « Quelle chute si notre ballon venait à tomber ?»« C'est peu probable, » fis-je, « à moins d'un éclatement. » Mais il est rare que le fait se produise. Nous pourrons être bien tranquilles. Nous sommes chez nous. Oui. reprit-il avec un sourire nerveux, à moins d'un éclatement. Avez-vous songé à ce que serait l'éclatement de la bulle d'air à laquelle nous sommes accrochés? Pouah, ce serait si vite fait. Auriez-vous peur? Moi? Vous voulez rire? Montons, montons encore. Nous montons. Mais vous ne jetez pas de lest, et je croyais, c'est inutile. Nous sommes dans une couche chaude. Notre gaz se dilate automatiquement. Notre ballon, de plus en plus tendu, s'allège à toute seconde proportionnellement à son volume. Nous sommes aspirés, nous montons. De nouveau, mon ami resta silencieux. Le soleil très haut sur l'horizon parut s'arrêter au-dessus de nos têtes. L'or de midi nous enveloppait, et notre ballon, formidable, fuyait toujours plus haut. Puis le soleil reprit sa course, plongea dans les nuages, se voila de brume, disparut. Le ciel, gris maintenant, semblait un ciel nouveau, plus triste peut-être, mais plus mystérieux et plus doux à la fois. Un océan ouaté, aux vagues molles et silencieuses, déferlait entre la terre et nous. Une sensation d'oubli, de calme, de solitude nous envahit. Autour de nous, sur nous, à nos pieds, le ciel sans fin. Mon ami me demanda, où sommes-nous? Dans la mer des nuages. Ah, le beau mot, la belle chose, quelle heure est-il? 3 heures. Nous montons. Nous sommes à 4000 mètres environ. Vous ne sentez toujours ni pesanteur de tête, ni vertige? Vos oreilles ne tintent pas? Non, montons encore. Et je jetai de pelletées de sable. Cette fuite vers les étoiles nous grisait. L'air s'étant rafraîchi, notre gaz se condensait assez vite et pour monter, nous jetâmes du sable presque sans arrêt. Le ciel bientôt s'éclaira de nouveau, le ballon réchauffé se dilata et s'éleva de lui-même. Mon ami, les yeux fixés sur les flammes, murmurait avec ivresse « Nous montons !» Par l'appendice de notre ballon, le gaz fuyait en sifflant doucement. Je consultai le baromètre. « Combien ?» fit mon ami. « 4900 environ. » « Avez-vous soif? Un peu de champagne ?» Il hocha négativement la tête. « Non, pas de champagne. Un peu d'eau, j'ai très soif. » Il but un grand verre et fit « Ah, c'est bon !» Ses yeux brillaient. Ses pommettes et ses lèvres étaient très rouges. Il me sembla congestionné et je sentais que je l'étais moi-même. Mais moi, j'avais l'habitude. Et puis, n'est-ce pas, je ne devais compte de ma peau à personne, tandis que lui, j'en étais responsable. « Voyez-vous ? Plus j'y songe, plus je demeure convaincu qu'on ne devrait jamais prendre un passager avec soi pour de pareils voyages. Sait-on les dangers qu'il court et ceux qu'il peut vous faire courir? À mon tour, je bus coup sur coup 3 ou 4 gorgées d'eau et je lui dis « Comment vous sentez-vous ? » « Mais bien, bien, » fit-il très nerveux. « Montons encore. » Sa voix, fût-ce une illusion, me parut venir de très loin et résonner très fort, comme les voix qu'on entend sur terre par tant de neige. Assis au fond de la nacelle, nous demeurions silencieux un peu là, mais fouettés par un désir de victoire, par une irritation pareille à celle que peut éprouver un cavalier fuyant en avant vers le but de chaque fou les plus prochains, sans oser regarder derrière lui ni écouter le galop de ceux qui le poursuivent. À un moment, je me dressai sur les genoux et je pinçai entre mes doigts le caoutchouc du stathoscope. L'aiguille verticale pencha nettement à droite. Je regardais le baromètre. Mes yeux se troublaient un peu, ma tête se brouillait. J'eus peine à lire les chiffres sur le tambour. J'y parvins enfin. Mon ami, la tête renversée, les lèvres sèches, les yeux mi-clos, murmura. « Eh bien, nous montons, 6003. » Je sentis que ma langue s'alourdissait. Mes gestes devenaient plus lents. Une sorte de torpeur engourdissait mon cerveau. Mais je ne saurais dire si cet état était douloureux. C'était plutôt une sorte d'ivresse vague. Un sommeil pesant contre qui je luttais mal, et qui m'envahissait tout entier avec je ne sais quoi de redoutable et de voluptueux à la fois. Je voyais la lumière du jour, j'entendais la respiration plus rude de mon ami et le bruit de mes pieds raclant le fond de la nacelle. Le froid me gagnait peu à peu, un froid inconnu qui me laissait la tête brûlante. Je voyais tout, j'entendais tout, et plongé dans une sorte de coma, j'étais incapable de faire un geste. Mon ami, accroupi sur les sacs, me regardait avec une étrange fixité. Sa respiration se faisait plus rapide. Par instant, il se mordait les lèvres et je vis qu'un peu de sang coulait en un mince filet du coin de sa bouche vers son menton. Mon front, lourd depuis un moment, devint douloureux. On eût dit qu'un casque pesant s'enfonçait sur mon crâne. Dans mes oreilles résonna un bourdonnement confus de cloches. Cela chantait, dansait, tournait, sifflait dans ma tête. J'eus encore la force de penser « Il faut descendre ». Mais je n'eus pas celle d'étendre la main jusqu'à la corde de la soupape. Une angoisse inexprimable m'envahit. La respiration me manqua. Quelque chose de chaud passa devant mes yeux. Je m'entendis penser « C'est fini. Nous sommes perdus. » Et je m'évanouis. Lorsque je revins à moi, il faisait encore jour. J'ouvris les yeux sans me souvenir, sans comprendre, et j'éprouvai seulement, j'en ai conservé la sensation précise, un grand sentiment de bien-être renaissant, de fraîcheur et de détente. J'avais encore la tête lourde comme casquée. Je passai la main sur mes yeux, sur mon visage, et je vis qu'elle était tachée de sang. Je portai mon mouchoir à mes lèvres, je le retirai rouge. J'avais saigné du nez, de la bouche. Et tout à coup, je regardai mon ami. Il était renversé au fond de la nacelle, le corps ramassé, les doigts tordus, la tête à demi cachée sous une couverture. Je me traînai jusqu'à lui, je l'appelai « Pierre, Pierre !» Pas de réponse. Je rejetai la couverture, je soulevai la tête, mais j'eus peine à retenir un cri. Presque verte, à force d'être livide, elle n'avait plus rien d'humain. Un rictus extraordinaire avait tordu sa bouche, crispé ses lèvres où les dents s'étaient enfoncées. Je dis bien « enfoncées ». Ses yeux chavirés n'avaient plus de sclérotique, ou plutôt cette sclérotique complètement rouge semblait suer du sang. Du sang. Il n'y avait plus que cela sur le bas de son visage. Du sang. Il en était parti par les oreilles, par le nez, par la bouche, et collé maintenant dans les poils de sa moustache en caillot long et tremblotant, il lui faisait une terrible face, un masque effroyable. Je me penchai sur lui, j'épiais son souffle, je mis la main sur son cœur. Rien. J'appelais, je hurlais « Pierre, Pierre !» Je collais mon oreille à sa poitrine. Rien. C'était fini. Il était froid. Mort. Alors, dans ce désert du ciel, je sentis la folie se coucher sur moi. J'étais seul. Seul avec un mort. Avec un mort dont les yeux effrayants ne quittaient pas les miens. Seul. Je couvris sa figure et me mis à pleurer. Physiquement, je ne souffrais presque plus. Levant la tête, j'aperçus les flammes presque horizontales. Je consultai le stathoscope, le baromètre. Nous descendions. Nous. Je descendais avec mon lamentable fardeau. Et tout à l'heure, j'allais revoir des hommes, la bonne terre, la douceur du foyer. Et je dirais, voilà mon compagnon, mon ami. Mon Dieu. Revoir les siens, sa femme et son petit, leur raconter, mais c'est horrible, horrible. Et l'instant approchait. Fini. Éteinte, morte, la joie du retour. Qu'est-ce que cette seconde de gloire inscrite sur l'enregistreur, 9 700 mètres, auprès de cet irréparable? Je descendais. Les flammes s'étaient tout à fait redressées au-dessus de l'horizontale. Je sentais l'air, chassais rapidement, gonflais mes habits, hérissais ma barbe. Je revis la mer de nuages dont tout à l'heure mon pauvre compagnon avait rempli ses yeux. Et tout à coup, au silence infini du ciel, se mêla une rumeur lointaine, un appel profond. Je descendais. La rumeur grandit, gronda. Le nuage épais s'éclaircit. Des taches sombres m'apparurent. Puis, sur ma droite, une bande plus claire au bord d'une immensité lumineuse et mobile, la falaise, la mer. Et je descendais avec une rapidité vertigineuse, et le vent, qui depuis le départ avait tourné, me poussait vers le flot. Une seconde, je songeais à précipiter ma chute, à tomber n'importe où, mais vite, vite, sur la terre ferme. Trop tard. J'avais franchi la ligne des falaises, dépassé les rochers. C'était fini. C'était la chute inévitable et la mort, moi aussi. Au loin, ironie terrible, se découpait l'ombre verte d'une île sur qui le soleil couchant mettait des reflets d'or. Arriver jusque-là, me maintenir dans les airs jusqu'à la côte, je m'aurais dit, je m'ordonnais, sois calme. Tu perds la tête. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Du lest, l'âge du lest, remonte. Je pris un sac et le vidai. Le ballon s'équilibra, puis au bout de quelques instants recommença à descendre. La fraîcheur du soir, de l'océan si proche, condensait mon gaz et mon ballon gris, presque flasque, se laissait choir comme un oiseau blessé. Encore un sac, encore un sursaut, encore la descente. Le vent, qui maintenant avait molli, ne me poussait presque plus. La côte de l'île se rapprochait, mais lentement, si lentement. De l'est, de l'est! Les bonds devenaient de plus en plus courts, la chute de plus en plus rapide. 3 ou 4 milles me séparaient encore de la côte. Le salut était là. Il suffisait que je puisse rester en l'air 10 minutes. Et puis je n'avais plus de sable. Voyez cela? Ma vie accrochée rivée à quelques kilos de l'est. J'empoignai les couvertures, les appareils et les jetai par-dessus bord. Le ballon monta, descendit. Je jetai mes vêtements, ma montre. J'étais fou, la terre n'était plus qu'à 400 mètres, et je tombais. La mer hurlait sous moi. Il emmenait des voix furieuses comme un chenil où les molosses attendent leur repas. Je regardais autour de moi, éperdument, cherchant quelque chose à jeter pour m'alléger encore, pour faire durer 2 secondes de plus mon agonie et mon espoir, et mes yeux se posèrent sur le corps de mon ami. Aussitôt, ce fut dans ma pensée comme une lueur aveuglante. Ce pauvre corps privé de souffle, cette chose humaine, lamentable et morte, ne m'apparut pas comme une chose sacrée. Ou si elle m'apparut telle, ce fut pour exaspérer ma volonté de vivre, mon instinct de durer, car elle m'apparut surtout comme un poids énorme, inutile, comme 80 kilos de lest. Vous entendez cette chose monstrueuse, 80 kilos de lest. Déjà, les vagues n'étaient plus qu'à 100 mètres de moi. J'entendais leurs frissons, je sentais leur haleine. Éperdu, je pris le corps entre mes bras, et d'un coup, je ne me serais jamais cru aussi fort, je l'élevai jusqu'au bord de la nacelle, et je lâchai. Alors, tandis que le ballon allégé faisait un bond énorme vers le ciel, parmi la rumeur déjà plus étouffée des vagues, j'entendis un cri surhumain, effroyable, un cri de bête qu'on égorge, d'enfant qu'on déchire, un cri. Est-ce que jamais personne trouvera des mots pour raconter ce cri? Mon ami n'était pas mort, et je l'avais assassiné. Ce qui se passa ensuite, je ne sais plus. Peut-être ai-je vu son corps tournoyer, s'abîmer dans les flots, peut-être que non, je ne sais plus. Il paraît que je suis descendu doucement sur l'île, qu'on m'a recueilli, soigné. Puis lentement la mémoire m'est revenue, j'ai revécu, j'ai souffert, je souffre, j'ai honte. Et j'ai peur. Voilà. Ainsi s'achève, à 9 700 mètres, par Maurice Level.